me semblait que Michiro au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment broyer les olives pour extraire une huile de qualité dans l'Antiquité? Quelles traces ont pu laisser les différentes techniques de broyage? Et comment les retrouver et évaluer leur juste place dans la production et selon les régions, s'interroge l'archéologue Jean-Pierre Brun. Et comment les agriculteurs pauvres peuvent-ils échapper à l'archéologie? Que nous apprend Caton des pressoirs antiques, du pressoir à Treuil? Quelle était l'industrie pour fabriquer ces moulins? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, nous entraîne dans une vaste fresque sur le temps long, plusieurs millénaires, dans le cadre de sa série pluriannuelle qu'il consacre à l'économie de l'huile d'olive dans l'Antiquité et aux innovations techniques qui lui sont liées. Cette semaine, l'archéologue s'attache à la manière dont on faisait l'huile à différentes époques et avec différents moyens. Dans un article de 2012 qui passe en revue les façons de détriter les olives, hier et aujourd'hui, Olivier Orange et Moab Chasnaz citent le précepte qui prône de ne pas briser le noyau qui gâte la saveur de l'huile. Ce précepte, rappelle-t-il, énoncé par Columel, auteur d'un traité d'agriculture, De Re Rustica, au 1er siècle de notre ère, constitue la règle d'or à laquelle tous les producteurs d'huile d'olive se sont spontanément, implicitement ou explicitement conformés depuis l'origine et pendant longtemps, même sans avoir lu Columel. Trois siècles plus tôt, Caton l'Ancien, auteur d'un autre traité, De Agricultura, exprimait la même opinion en recommandant de ne pas mettre l'huile en contact avec les noyaux pour ne pas lui donner mauvais goût. Jean-Pierre Brun reprend ses auteurs ainsi que Pline et le botaniste Théophraste tout au long de sa série et ce matin en particulier nous entendrons les descriptions très précises de Caton qui nous a fait connaître les pressoirs antiques avec un souci pour les fondations profondes comme l'analysera Jean-Pierre Brun. À côté de cette précieuse source, l'archéologue fait le point sur l'apport des fouilles et de l'analyse chimique pour savoir quelles techniques étaient utilisées et selon quelles huileries régionales. Dans le cours précédent, il a distingué les catégories de broyage par percussion, c'est le broyage domestique, par écrasement interactif et par écrasement rotatif. Nous entrons aujourd'hui dans le monde des machines que pouvaient s'offrir les grandes exploitations antiques. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 31 octobre 2017 pour le cours de Jean-Pierre Brun, Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui les pressoirs. Nous avons déjà traité le broyage par percussion et nous abordons maintenant le broyage avec les rouleaux de pierre et les meules. Alors, le broyage par percussion, je vous le rappelle, peut être fait dans des mortiers ou en écrasant avec les pieds, voire avec des machines du type tudicula dont nous battons pour savoir exactement à quoi cela ressemble. La deuxième catégorie de broyeurs regroupe en fait des appareils qui broient les olives avec un mouvement alternatif à l'aide d'un rouleau de pierre que l'on fait rouler dans une auge également en pierre et à fond plat. Ce mode de broyage est courant en Israël à l'âge du fer, par exemple à Tel Mikneh. Mais est-ce qu'il a été employé sous l'Empire romain ? On a longtemps pensé que dans les fameux villages romains du massif calcaire de Syrie du Nord, c'était cet instrument qu'on utilisait pour écraser les olives à la suite d'un ouvrage tout à fait admirable de Georges Tchalenko, Village antique de Syrie du Nord, le massif du Bélus à l'époque romaine, paru à Paris entre 1953 et 1958. Tchalenko voyait dans ce secteur une zone totalement vouée à l'oléiculture. Il parlait même de monoculture de l'olivier. Et ça avait d'ailleurs, cette voie a été suivie par mon ami Olivier Callot dans son ouvrage sur les huileries antiques de Syrie du Nord, paru également à Paris en 1984. Et donc, Tchalenko et Callot ont pensé pendant longtemps que ces rouleaux servaient à écraser les olives. Personnellement, je crois que pour l'essentiel, on les utilisait plutôt pour écraser du raisin, ce qui paraît un peu curieux, car ces installations, ces grands bassins, si vous voulez, avec ces rouleaux, sont toujours associés à des sortes de bassins creusés dans le rocher, assez gros, où on verrait bien fermenter du raisin. Donc je crois, et j'ai publié dans un ouvrage paru en 2005, que ces rouleaux n'étaient pas, sauf exception, destinés à l'écrasement des olives. Mais c'est une question qui, évidemment, sera débattue par la suite. L'un de mes arguments principaux, c'est que dans la même région, on a à la fois ça, au même moment, ces rouleaux, et d'autre part, de vraies huileries, avec des vrais moulins à huile et des vrais presseurs à huile. Donc je vois mal comment on a pu avoir deux systèmes totalement différents dans les mêmes villages pour le même produit. Quoi qu'il en soit, la troisième classe d'appareils concerne les broyeurs rotatifs qui sont de loin les plus communs dans l'Antiquité gréco-romaine. Les premiers moulins qui comportent des meules hémisphériques furent une véritable révolution technique parce qu'ils permettaient de traiter des quantités beaucoup plus importantes de fruits que les procédés primitifs. Les exemples les plus anciens ont été trouvés en Macédoine et remontent au moins au IVe siècle avant Jésus-Christ et peut-être dans le Ve siècle. Ces moulins, qui portaient en grec le nom générique d'Elaiotropion, et qui désignait le terme qui désignait à l'occasion l'ensemble de l'huilerie, par exemple en 224 après Jésus-Christ, les prêtres du temple du village de Capharnabo en Syrie du Nord firent construire une huilerie avec tous les accessoires, et c'est ce terme qui est employé. Ces moulins donc sont connus essentiellement en Macédoine, et on a un très bon terminus de leur utilisation, puisqu'on les trouve dans la grande ville d'Olynthe en Chalcidique, qui a été détruite par Philippe de Macédoine en 348 avant Jésus-Christ. Et dans la fouille de cette grande ville, on a trouvé à plusieurs reprises des moulins à meules hémisphériques avec un mortier lui-même hémisphérique. Trois sous-catégories de moulins à meules verticales, en quelque sorte, peuvent être distinguées. Ces moulins à meules hémisphériques, les moulins à meules cylindriques et les moulins à meules horizontales. Alors commençons par les moulins à meules verticales hémisphériques, qui sont donc connus non seulement à Olynthe, mais aussi dans un certain nombre de villages ou d'installations dans le même secteur. Et donc, grâce à ces fouilles, nous avons cette certitude qu'ils étaient déjà à un bon stade d'avancement technologique. Ce sont des moulins qui sont parfaitement bien standardisés au milieu du IVe siècle, et il est vraisemblable que cette invention remonte au Ve ou la deuxième moitié du Ve avant Jésus-Christ. Ce sont ces moulins que Caton au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, appellera Trapéta. Alors, ils sont connus sous deux formes différentes. Soit ils ont deux meules qui tournent dans le bassin, soit ils ont une seule meule, comme par exemple la Maresha en Israël à l'époque hellénistique. Mais enfin, le principe est le même, puisqu'on écrase les olives entre la paroi et la meule elle-même. C'est ce que Caton appellera trapetum, qui est un mot tiré de la racine grecque trapeo, qui veut dire en fait écraser les grappes, mais écraser d'une façon générale. Et ils se sont répandus très rapidement au cours de l'époque hellénistique dans tout le bassin méditerranéen. On les trouve donc en Grèce, au Levant, donc en Israël, en Italie. C'est par exemple le modèle quasiment exclusif que l'on trouve à Pompéi et dans les villets qui ont été ensevelis par l'éruption du Vésuve en 79. Mais on les trouve aussi en Gaule, plus rarement en Espagne et en Afrique du Nord. Ces moulins coexistèrent jusqu'à l'époque byzantine avec ceux équipés de meules cylindriques verticales et celles des meules horizontales. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux variantes connues. La première qui utilise une seule meule, ce qui occasionne un déséquilibre, variante qui est surtout connue en Judée, et l'autre type, donc, a deux meules jumelées, qui est le plus courant depuis les moulins d'Olynthe jusqu'aux moulins byzantins, en passant donc par ceux de Pompéi. Un complexe jeu de rondelles permettait d'ajuster la hauteur des meules de façon à ce qu'elles ne frottent pas directement contre la pierre du mortier. Ainsi, d'une part, on limitait l'usure et on évitait de broyer les noyaux, ce qui est constamment recommandé par les agronomes latins, probablement parce que les olives étaient souvent atteintes, comme nous l'avons vu dans un cours précédent, par des parasites tels que la teigne de l'olivier qui se niche dans le noyau et donne un mauvais goût à l'olive lorsqu'on l'écrase. Nous savons désormais que pour des olives saines, broyer le noyau n'a aucune incidence sur le goût de l'huile, donc c'est probablement lié au fait que les olives antiques étaient très souvent atteintes par des parasites. La description très précise de ce moulin que donne Caton l'Ancien au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, au paragraphe 20-22 du De Agricultura, en permet une reconstitution exacte que corroborent les exemplaires réels trouvés à Pompéi et dans sa région. Ce qui est particulièrement intéressant dans le texte de Caton, outre l'extraordinaire précision des dimensions, est l'information qu'il donne sur les lieux de fabrication et sur les prix d'achat, les frais de transport, les coûts de mise en œuvre par un artisan spécialisé. Et il vaut la peine de le citer. Il écrit « Un broyeur à olives, donc un trapetum, a été acheté sur les territoires de Cesaronca, près de Menturne, toujours dans le nord de la Campanie. Le broyeur a été acheté 400 sesterces et 50 livres d'huile. Pour le montage, on a payé 60 sesterces. Le transport pour les bœufs, par des bœufs, 6 journées, 6 hommes avec les bouviers, 172 sesterces. L'axe en fer avec les garnitures, et on voit que c'est quand même une pièce coûteuse, 72 sesterces. Et au total, des débours, on a payé 729 sesterces. Et un peu plus loin, il continue que notre personnage a acheté à Pompéi même, avec tous les accessoires, le moulin pour 384 sesterces. Il a payé 280 sesterces de transport, d'ajustage et de montage fait à domicile. Et au total, il a donc payé 724 sesterces, tout compris. On voit donc que dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait toute une industrie de la fabrication de ces moulins, des personnages spécialisés dans le transport de ces moulins sur de grandes distances et des artisans qui venaient à domicile préparer l'ajustage final du moulin. Les lieux de façonnage, en fait, se trouvent en Italie, dans les massifs basaltiques, par exemple près de Rocamonfine, du Vésuve, et des coûts de transport des matériaux lourds destinés à un domaine, Caton prend comme exemple un domaine dans le territoire de Venafre, s'élève donc à la moitié du prix d'achat au minimum, auquel il fallait donc ajouter tous ces frais d'ajustage par les artisans spécialisés. Comme toujours, le texte de Caton nous fait entrer de plein pied dans la réalité chiffrée de la vie agricole italique, et on voit à l'œuvre des artisans, on comprend le rôle des villes dans l'équipement des campagnes, et surtout des exploitations destinées à des productions rentables, comme le vin et l'huile. Sur tous les détails, je vous renvoie donc à mon cours de l'année précédente sur précisément l'artisanat urbain à Pompéi et son rôle dans l'équipement des campagnes. Alors, en dehors de cette grande catégorie des moulins à meules verticales hémisphériques, il y a aussi la catégorie des moulins à meules verticales cylindriques. Ces moulins sont surtout répandus en Afrique du Nord, bien sûr, en Égypte, mais on les trouve aussi en Italie et en Gaule. Là aussi, ces moulins peuvent comporter une meule ou deux meules. Le modèle à une meule est le plus courant. On le trouve, par exemple, dans la villa de Sette Finestre, près de Cosa, en Italie, c'est-à-dire en Étrurie méridionale, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et sous l'Empire, par exemple, dans les huileries de Dionysias, dans le Fayoum, dans les huileries de Byzacène et de Zeugitane, en Afrique, et dans les huileries de Volubilis. Et c'est un système qui a été encore très largement utilisé jusqu'à l'époque moderne dans les huileries traditionnelles, notamment ces moulins qui sont actionnés par des ânes, ici à Fertassa au Maroc, il y a déjà fort longtemps, mais on le voyait encore en Provence, en Espagne, enfin, dans les moulins traditionnels, c'est toujours le système qu'on utilise. Les diamètres peuvent être relativement importants, on a des meules qui font plus de 1 mètre de diamètre, et la bande de roulement est relativement étroite, de l'ordre de 10 à 20 cm. Un autre type est au contraire formé d'un cylindre de petit diamètre, au maximum 0,50 m, mais beaucoup plus large, de l'ordre de 30 à 35 cm. Et la bande de roulement peut être lisse ou cannelée afin de pouvoir broyer les olives. Peut-être est-ce ce type que Palladius, au livre 1, paragraphe 20, désigne sous le terme de rotulae, c'est-à-dire les petites roues, et qu'il distingue donc assez nettement des trapétas. De même que la meule, le plateau du moulin est souvent strié afin de bloquer les olives qui, lubrifiées par l'huile, ont tendance à glisser devant la meule, et donc il faut pouvoir les bloquer de façon à les écraser. On ne connaît pas avec certitude le nom antique du moulin à roue cylindrique verticale. On a longtemps pensé, en suivant en cela Callie White, dans son ouvrage « Agricultural Implements of the Roman World », paru à Cambridge en 1967, que les anciens l'ont nommé « mola olearia », en interprétant incorrectement, à mon avis, le texte de Columel au livre 12, paragraphe 52. Quand Columel dit « les meules, molae », font plus de travail que le broyeur, trapetum, et le trapetum fait plus de travail que canalis et solea, c'est-à-dire l'auge et le sabot que nous avons vu dans le cours précédent. Or, avec mon ami Raphaël Frankel, nous avons compris depuis au moins une vingtaine d'années que ce que Columel désigne par mola est le moulin à roue horizontale, à meule horizontale, dont je vais parler immédiatement après. Et il s'ensuit donc que Columel et tous les auteurs latins devaient regrouper probablement sous le même terme de trapetum à la fois les moulins à meule hémisphérique décrits par Caton et le moulin à meule cylindrique. Tous les deux broient les olives sous les meules roulant verticalement, et je pense qu'il n'y avait pas en fait de différence de terminologie et que nous pouvons utiliser tranquillement le terme de trapetum pour les deux. Alors nous arrivons maintenant à la dernière catégorie de moulins, celui qui utilise des meules horizontales. Dans un moulin à meule horizontale, le catillus, qui est en forme de couronne, est posé sur une métacylindrique terminée par un cône ou un tronc de cône. C'est exactement ce qu'on pourrait trouver dans une meule à faire de la farine avec des grains, avec des céréales. La meule horizontale est actionnée, entraînée par un axe qui est poussé par des hommes. La meule dormante est scellée sur un socle qui est entouré d'un parapet haut d'une vingtaine de centimètres et enduit de mortier de tuileaux de façon à pouvoir récupérer la pâte et l'huile qui s'écoule. Cette récolte périphérique permettait donc de récupérer aisément la pâte et ainsi que l'huile qui s'écoulait en même temps. Ce type de moulin est omniprésent en Bétique, c'est-à-dire en Espagne méridionale, et en Maurétanie Saint-Gitane, c'est-à-dire au Maroc, notamment en Volubilis. Il est totalement absent ailleurs, notamment en Italie. Or, la famille de Columelle était originaire de la province de Bétique. Lui-même était né à Gadès au début du 1er siècle de notre ère, et il cite souvent son oncle, propriétaire dans la vallée du Bétis, c'est-à-dire du Guadalquivir d'aujourd'hui. Pour lui qui connaissait bien cette région, qui était la principale région productrice d'huile de l'Empire romain à son époque, le moulin à meule horizontale était l'appareil le plus efficace pour broyer les olives. Il était efficace en termes de rendement et en termes de qualité, puisque, selon ses propres mots, les meules sont d'un emploi facile, car selon la grosseur des olives, on peut les abaisser ou les relever de manière à ne pas briser le noyau, ce qui gâte la saveur de l'huile. On revient toujours à ce problème récurrent. Il est donc logique que Columelle ait promu un appareil dont il connaissait bien les qualités qui avaient été éprouvées par les nombreux oléiculteurs de cette région de l'Empire romain. Ces meules de Trapetum ou de Molin étaient actionnées par des hommes, le plus souvent des esclaves. On n'a pas trouvé de traces de moulins actionnés par des animaux, comme on le voit dans les boulangeries, par exemple. Et d'ailleurs, à la différence des moulins à grains, les moulins à huile ne sont pas entourés d'un pavement en dalles de pierre, ce qui est nécessaire dans le cas d'emploi d'ânes pour éviter que les sabots ne défoncent le sol. J'ai longtemps cherché si l'Antiquité avait utilisé des moulins à huile mus par l'énergie hydraulique. L'application de la technologie des moulins à eau aux huileries était en effet tout à fait possible. Nous avons vu dans le cours que j'ai donné en 2012 que les Romains ont fait un large usage de l'énergie hydraulique pour moudre du blé et qu'ils ont adapté cette machine, ce moteur hydraulique, au sciage des marbres, à la fabrication du tan dans les tanneries et au broyage du minerai par des pilons. Adapter les machines utilisées pour les moulins à farine, pour en faire des moulins à huile, était donc bien plus aisé que construire de complexes machines à scier les marbres, notamment qui utilisaient des bielles et des manivelles. Mais il semble bien que ce ne fut pas le cas. Nous avons fouillé des centaines d'huileries antiques et aucune, même celle qui faisait partie de domaines alimentés par des aqueducs, n'a livré de moulins actionnés par l'eau. Alors comment expliquer cette absence, voire cette aporie? Je crois que c'est probablement une question de coût. Les meuneries à farine ou les bocards à broyer le minerai fonctionnent toute l'année, alors que les moulins à huile ne travaillent que 3 ou 4 mois par an. La construction d'une machinerie coûteuse et complexe, qui demande un entretien permanent, ne se justifiait probablement pas, sauf éventuellement dans les très grandes huileries. Mais ces dernières sont souvent situées dans des régions arides, comme la Tunisie du Sud ou la Tripolitaine, où la disponibilité de l'eau courante posait un problème constant. Finalement, il n'y a guère qu'en Bétique que ce progrès technique aurait pu se répandre. Et je crois qu'il faudra donc regarder à l'avenir de très près si certaines de ces huileries de Bétic n'ont pas utilisé les moulins hydrauliques. Mais comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, dans la littérature, je n'en ai pas trouvé de traces. Après avoir obtenu une pâte d'olive, il fallait la presser. Et pour cela, on utilisait divers instruments que l'on peut classer en six catégories. D'une part, les instruments à pression directe, on met simplement sur la pâte d'olive des poids, des pierres ou des planches, par exemple. Les instruments à torsion, les pressoirs à levier qu'il faut subdiviser en pressoirs à câble et pressoirs à vis, les pressoirs à coin, les pressoirs à vis centrale ou latérale, et enfin les pressoirs hydrauliques, c'est-à-dire ceux qui utilisent non pas l'énergie hydraulique mais les fluides hydrauliques, mais comme ils n'ont été inventés qu'à la fin du XIXe siècle, nous n'en parlerons pas. Alors commençons par les cinq catégories que j'ai mentionnées. Il y a d'abord les instruments à pression directe. Ce sont les plus anciens et les plus difficiles à mettre en évidence archéologiquement. On pense que les installations néolithiques et chalcolithiques, taillées dans le roc, en Palestine et en Israël, ont été utilisées avec de tels procédés. Dans un trou de rocher, on pilait les olives et on mettait sur la pâte des branches avec des pierres. On devait aussi verser de l'eau chaude et on récupérait l'huile qui surnageait. Comme les pierres utilisées étaient brutes, on ne peut pas être sûr de leur utilisation, mais on ne voit guère d'autres solutions. Ces procédés primitifs se sont perpétués tout au long de l'histoire, et donc y compris durant l'époque gréco-romaine, et jusqu'à nos jours, dans des contrées reculées du Maghreb, comme le Rif marocain par exemple, où certaines tribus entretiennent quelques oliviers et pressent leurs olives dans des bassines en céramique en chargeant les plateaux avec des pierres et en pressant avec les mains. L'étude de ces pratiques, par exemple de la tribu Mesraoua, a été faite par Jorge Wagner et Maria José Matos dans un article paru dans la Ceramica nel mondo del vino dell'aceite en 2012. Et cette étude est très éclairante sur la continuité de ces petites productions qui, par leur multiplication, ont assuré tout au long de l'Antiquité une part certainement importante de l'approvisionnement en huile des agriculteurs pauvres, c'est-à-dire ceux qui échappent le plus souvent à nos enquêtes historiques et archéologiques, faute de documentation. Un autre type de pressoir qui ne laisse guère de traces est le pressoir à torsion. Dès que les tissus en poils de chèvre furent disponibles, on dut en faire des pressoirs à torsion. La pâte d'olive préalablement broyée, ou la pâte de graines, par exemple, préalablement broyées, étaient placées dans un tissu solide que l'on tordait à l'aide de bâtons passés dans des ais. Cet instrument ne peut laisser de vestiges archéologiques que dans des conditions de conservation exceptionnelles qui ne se sont pas encore présentées. Et il faut se tourner vers les représentations dans les tombeaux égyptiens où, dès l'Ancien Empire, on en voit quelques images. Elles sont représentées surtout dans des scènes de préparation, d'extraction du jus de raisin ou des parfums, mais il ne fait guère de doute qu'on les utilisait aussi pour les huiles ordinaires. Un peu plus tard dans le temps, un vers de l'Odyssée, dans le chant 7, vers 101, nous dit... Et on peut le traduire ainsi, des tissus en travail, l'huile s'écoule goutte à goutte. Goutte à goutte. Et ce vers pourrait être en fait interprété comme une allusion à l'extraction de l'huile. Il s'agit du moment où Ulysse, arrivé dans le palais des Phéaciens, voit les femmes au travail, à diverses activités, et probablement tordant donc des sacs emplis de pâte d'olive pour en extraire l'huile. Cet instrument simple a connu divers perfectionnements. On est passé d'un premier type où les ouvriers tordent le sac dans le sens contraire à un deuxième type où le sac est placé dans un châssis de bois, rendant l'opération plus efficace. Ce type de pressoir est invisible archéologiquement, mais n'a jamais cessé d'être utilisé pour de petites productions ou des productions spécialisées telles que les huiles à parfum. On en trouve des témoignages à Venise au VIe siècle, on en trouve des illustrations en Italie encore au XIXe siècle, on sait qu'il était utilisé en Corse, où on l'appelait sacula au XVIIIe et XIXe siècle, et en Espagne jusqu'à la guerre de 1936. Beaucoup de petits oléiculteurs devaient se servir de cet instrument pour leur production personnelle, car il est peu coûteux et peu encombrant. Tout un pan de la production de base de l'Antiquité est donc certainement sous-estimé, car il est clair que dès que la production dépassait les besoins domestiques et qu'elle était destinée à la vente, il fallait bien sûr passer à des appareils plus puissants et plus encombrants, surtout les pressoirs à levier que nous allons voir maintenant. Et France Culture vous présente Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, les pressoirs. Le principe du pressoir à levier est simple. Un tronc d'arbre est fixé d'un côté et abaissé de l'autre et il écrase contre le sol le marc d'olive préalablement placé dans des capas de sparterie. Ce modèle théorique de pressoir a été décliné de diverses manières. Des troncs plus ou moins gros, différentes fixations et réglages de la tête, mode de manœuvre passant de la suspension de pierre à l'utilisation de vis. Les traces les plus anciennes que nous en ayons remontent à l'âge du bronze sur la côte syro-palestinienne, à Chypre et en Crète. Elles sont le plus souvent matérialisées par des grosses pierres avec une rigole circulaire qu'on appelle des mets et qui sont pourvues d'un déversoir au bas duquel on mettait des récipients pour récupérer l'huile. Les pressoirs à levier se déclinent en fait en six classes principales. Les pressoirs à levier simples, actionnés par la seule force humaine. Le pressoir à levier auquel on suspend des blocs de pierre en série. Le pressoir à levier et treuil sur contrepoids de pierre, en général une très grosse pierre. Le pressoir à levier et treuil fixé entre deux montants. Le pressoir à levier et vis fixé sur un contrepoids. Et les pressoirs à levier et vis qui sont fixés sur une poutre de base. Alors, commençons une revue rapide par les pressoirs à levier simples. Un article publié par une dame qui s'appelle Madame Oikonomou, dans Technologia 1998, un article en grec, explique que dans le village d'Elafo Agias, sur la côte de Thessalie, on faisait encore en 1993 l'huile selon des procédés primitifs lorsque la récolte n'était pas abondante. On écrasait les olives avec un rouleau cylindrique ou on obtenait une pâte, puis ensuite on posait le couffin rempli de cette pâte sur une mée, donc sur une pierre avec une rigole, et on l'écrasait simplement avec un tronc qui comportait un plateau circulaire, et il suffisait qu'un homme s'asseye à l'extrémité du tronc pour que l'huile puisse sortir du cabas. Et finalement, le rendement n'était pas totalement dérisoire, puisque dans une journée de 8 heures, on arrivait à traiter environ 100 kg d'olives, et on obtenait à peu près 20 kg d'huile. Ce genre de pressoir donc devait être très courant chez les petits paysans, mais ils sont particulièrement difficiles à mettre en évidence pour nous archéologues, parce qu'ils sont largement formés d'éléments en bois, quoique parfois avec une base en pierre. Il peut suffire d'une banquette en pierre dans l'angle d'une pièce pour supporter ce type de petit pressoir. Et donc là, à nouveau, nous n'avons probablement pas été assez attentifs à des indices très ténus de ces productions. Plus faciles à reconnaître sont les pressoirs à levier et blocs suspendus. C'est un type de pressoir qui est très répandu en Syrie et en Palestine à partir de l'âge du bronze et jusqu'à l'époque hellénistique, voire au-delà, puisqu'on en trouve jusqu'à l'époque byzantine. Il s'agit simplement d'un tronc d'arbre qui est engagé dans une paroi rocheuse ou dans un mur auquel on attachait des blocs de pierre plus ou moins gros. À Ougarit, dès le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, on utilisait déjà des pressoirs de ce type qui sont, comme je vous l'ai dit, très répandus à l'âge du fer dans toute cette région et en Chypre, par exemple, aussi, à l'époque hellénistique. Voici un exemple du palais d'Idalion à Chypre du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et, par exemple, les pressoirs très bien conservés de Maresha en Israël à l'époque hellénistique vous donne une bonne idée de la manière dont cela fonctionnait. Mais comme je vous l'ai dit, ce système ne s'arrête pas à l'époque hellénistique, puisqu'on en a encore des traces et des utilisations assez courantes au Liban, notamment à Khan Khaldeh, fouillé dans les années 1970, et plus récemment, par exemple, à Horbat Kastra, en Israël, fouillé plus récemment. De ce type à poids suspendu, on passe ensuite au système à levier et contrepoids, où là, on arrive en pleine époque romaine. C'est un système qui est très largement répandu dans tout l'ensemble de la Méditerranée, et particulièrement en Afrique du Nord et en Gaule. Et on le voit bien, on a l'exemple du sarcophage de Palais Rondanini qui ne concerne pas la production de l'huile, mais la production de vin. Mais comme je vous l'ai dit déjà, il n'y a pas de différence entre les pressoirs à vin et les pressoirs à huile, ce qui nous autorise à utiliser avec prudence l'iconographie des pressoirs à vin, qui est beaucoup plus abondante, bien entendu, puisque l'imagerie dionysiaque est plus courante que l'imagerie qui représente une action banale comme la production de l'huile. Donc, dans le cas du palais, du sarcophage du palais Rondanini, on voit très bien une grosse poutre là, et vous remarquez ici un bloc de pierre avec deux montants de bois taillés en queue d'aronde, qui sont donc encastrés dans le bloc. Et il y avait ici, malheureusement, la pierre est cassée à cet endroit-là, le treuil qui permettait d'actionner le levier par l'intermédiaire de cordes. Et on tournait le treuil jusqu'à ce que la pierre se soulève. Vitruve, durant le règne d'Auguste, écrit à propos des pressoirs en général, dans le livre 10, paragraphe 1-5, « Suculorumque et prelorum et vectium si non fuisset torcularis preparatio, neque oleinitorem, neque vicium fructum aberre putuissimus. Ce qu'on peut traduire de la façon suivante, et s'il n'y avait pas les pressoirs, avec leur treuil, leur levier, c'est-à-dire les prélomes, hein, leur barre de manœuvre de treuil, les vectes, nous n'aurions pu connaître l'agrément de l'huile brillante ou des fruits de la vigne. Dérivant des types de l'âge du bronze, donc, les pressoirs à treuil se diffusent dans les grands domaines à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce et en Italie. Ils connaissent dès lors divers perfectionnements, de la fixation du treuil sur le gros bloc de pierre que les archéologues appellent communément le contrepoint. Héron d'Alexandrie, dans les Mécanica, livre 3, paragraphe 15, au 1er siècle de notre ère, donne une bonne description de leur fonctionnement. C'est d'ailleurs le type le plus courant au Proche-Orient. Le levier est encastré dans le mur du fond du pressoir et le treuil est assujetti à un bloc de pierre par des tenons et des mortaises en queue d'aronde. Le fonctionnement en est parfaitement explicité par Héron. Le câble est enroulé autour du rouleau du treuil. Lorsqu'il est en tension, le bloc de pierre se soulève et on laisse agir la force, la pesanteur exercée sur le levier et par le bloc qui lui est suspendu. Ailleurs, Héron remarque que lorsque le levier est très grand, et il dit long et épais, son poids suffit pratiquement pour presser. Et il indique qu'un grand levier de presse mesure en général 11,50 m et qu'on lui fixe un treuil sur un bloc qui peut aller jusqu'à 20 talents, c'est-à-dire 524 kg. Il signale aussi que l'un des inconvénients principaux de ce type de pressoir est que lorsque le câble se tend à cause du poids du bloc de pierre, le frottement accroît la résistance à un point tel que les barres de manœuvre et les câbles même peuvent casser, ce qui occasionne d'une part des risques d'accident et d'autre part évidemment un retard et des difficultés dans le processus d'extraction de l'huile. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un système qui est très largement répandu dans le monde romain. C'est celui que l'on voit, par exemple, dans les grandes huileries de Mador en Algérie. Et donc, nous le retrouverons à plusieurs occasions lorsque nous étudierons la diffusion des grandes huileries et le développement de l'oléiculture, notamment en Afrique. Mais ce n'est pas le seul système de pressoir à levier et treuil. Il existe aussi des pressoirs où le treuil n'est pas fixé sur un contrepoids mobile, mais entre deux montants de bois ou de pierre. Caton l'Ancien, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, en a donné une description très précise avec des mesures qui permettent une reconstitution certaine comme celle que j'ai reconstituée à Beaucaire, dans le Gard, à l'occasion d'une collaboration avec André Tchernia et le propriétaire du Mas des Tourelles, M. Hervé Durand. En fait, Caton dit qu'il n'y a pas de différence entre les pressoirs à vin et les pressoirs à huile, sinon une plus grande hauteur des montants des pressoirs à vin, car le mar diminue beaucoup plus que la pâte d'olive. Ces pressoirs, dont nous en avons quelques rares représentations, le plus bel exemple est le bas-relief de la Villa Albani, qui est malheureusement peu visible, donc je vous ai mis à la fois la photo et le dessin. Vous avez ici donc ces montants de bois et l'emplacement du treuil, qui est ici fixé visiblement par une frette de fer. Donc on a un treuil qui est fixe et où on ne peut pas utiliser la pesanteur comme force pour écraser la pâte d'olive. Donc, j'en reviens au texte de Caton, que nous allons réexaminer un peu en détail. Texte du De Agricultura, paragraphe 18, dont le titre est très significatif, « Torcularium si edificare voles », si tu veux construire un pressoir. Et la préparation de ce cours m'a donné l'occasion de revoir la traduction et l'interprétation de ce texte que j'avais donné il y a déjà maintenant plus de 30 ans dans mon ouvrage sur l'oliculture antique en Provence, paru au CNRS en 1986. J'ai effectué quelques changements dans l'interprétation et la traduction, car je me suis rendu compte que nulle part qu'a-t-on écrit qu'il faut prévoir la place pour quatre moulins, pour quatre ensembles de pressurage. Quatre moulins, c'est-à-dire quatre trapétas, si vous voulez, qui auraient correspondu à quatre pressoirs. En effet, la pratique constante, prouvée par l'archéologie des huileries antiques, montre qu'un moulin suffit à servir deux pressoirs. En effet, les opérations de pressurage sont beaucoup plus longues que le broyage, notamment du fait de la réalisation de plusieurs pressées successives. Alors, ça nous amène à revoir donc le texte de Caton qui dit « Pour construire un pressoir à quatre appareils, c'est-à-dire en fait il dit à quatre nefs, quatre ensembles, qui soient en opposition frontale, c'est-à-dire donc vous voyez, ils sont opposés les uns aux autres, on adoptera pour l'agencement de ces appareils la méthode suivante. Il faudra des jumelles, il dit des arborestes, des arbres, de deux pieds d'épaisseur, de neuf pieds de hauteur, tenons compris. On les appelle en français des jumelles parce que ce sont deux montants qui sont jumelés, mais le latin dit arborestes des arbres. Les mortaises seront longues de 3 pieds 3 quarts, c'est-à-dire 1 mètre 11, et creusé sur une largeur de 6 doigts, c'est-à-dire de 10 cm. Du sol au début des mortaises, prévoir 1,5 pieds. Entre les jumelles et le mur, il y aura 2 pieds. Et entre les jumelles elles-mêmes, 1 pied. Entre les jumelles et la face interne du montant, perpendiculairement, il y aura 16 pieds. Et les montants auront 2 pieds d'épaisseur, 10 pieds de hauteur, tenons compris, ce que vous voyez là, c'est-à-dire environ 2,96 m. Le treuil fera 9 pieds, c'est-à-dire 9 pieds de long, 2,66 m de largeur. Et le levier, que le latin appelle prélum, et que le français assez curieusement appelle mouton, donc le mouton sera long de 25 pieds, c'est-à-dire 7 mètres 40, parmi lesquels on comptera une languette qui permet d'engager le prélum entre les deux arbres, une languette de 2 pieds et demi, c'est-à-dire 74 cm. L'emprise au sol des deux appareils entre les canaux fera 34 pieds. Alors ce qu'il appelle les canaux, je crois, ce sont des espaces de dégagement qui sont situés entre les pressoirs et que nous retrouvons assez souvent dans les installations archéologiquement prouvées. Tout à fait récemment, on vient d'en trouver à nouveau dans le village de Souliers-Toucas, dans le département du Var, une fouille tout à fait récente, une fouille d'urgence. Donc, il y a ces canaux qui séparent les pressoirs. Et il nous dit aussi que pour les moulins, il faudra prévoir un emplacement à droite et à gauche, c'est-à-dire à droite et à gauche de la cour, et une emprise au sol de 5,92 m pour qu'il y ait bien entendu suffisamment de dégagement pour que les ouvriers puissent faire tourner les moulins. Entre les deux rangs opposés de montants, les montants ce sont ce qu'on appelle les stipites qui sont ici, il faudra prévoir pour les barres de manœuvre, c'est-à-dire ce qui sert à actionner le treuil, un emplacement de 6,50 m, c'est-à-dire 22 pieds. Pour chaque ensemble d'appareils, dit-il, la distance entre la face interne du montant et le mur derrière les jumelles sera de 20 pieds. Au total, dit-il, pour un pressoir à quatre appareils, il faudra compter de mur à mur un espace de 66 pieds qui se divise en 3 fois 22 pieds et de 55 pieds de longueur, c'est-à-dire donc un ensemble pour son huilerie modèle qui mesure 19,50 m par 16,30 m. À l'emplacement prévu pour les jumelles, dit-il, il faudra faire de bonnes fondations. Alors ça, c'est important pour nous, parce que lorsque les sites sont détruits, assez souvent, parfois en dessous des niveaux des sols, tout ce qui va nous rester, ça sera parfois les fondations elles-mêmes, et les fondations sont assez caractéristiques, assez souvent, pour restituer des pressoirs. Nous en verrons quelques exemplaires où le site est détruit à ce niveau-là, et tout ce qui reste, ce sont justement ces fondations-là, qui sont très profondes, parce que c'est ça qui supporte le poids. À l'emplacement prévu pour les arbres, c'est-à-dire ce qu'on appelons en français les jumelles, il prévoit de faire des fondations profondes de 5 pieds, c'est-à-dire 1,48 m, composées de pierres froides, lapidaire siliceux, c'est-à-dire en général c'est du calcaire, du calcaire très dur, et il faut au-dessus placer, nous dit-il, un bloc d'assises. Alors le latin emploie le terme de forum, qui doit être d'une seule pièce, long de 5 pieds, d'ailleurs 1,48 m, large de 2 pieds et épais d'un pied et demi. Et il nous dit que dans ce bloc, il faudra pratiquer une mortaise pour les tenons de pieds, dans le texte, c'est appelé les pédicini, de façon à y implanter les jumelles, c'est-à-dire les arbres qui s'encastreront dans la pierre par le tenon de pied, sous-entendu donc à la base de l'arbre. Il est donc clair que le terme même de pédicinus, qui est un apax, c'est-à-dire un terme qui n'est connu que dans ce texte-là, désigne le tenon de bois et qui s'encastre dans cette mortaise, et non la pierre avec les mortaises. Hein. Contrairement à ce qu'écrivent encore trop souvent les archéologues, ça fait des années que je me bats contre cet emploi abusif, mais il persiste. En fait, la pierre s'appelle, aussi bizarre que ça puisse paraître, le forum, et il nous dit par la suite que l'espace entre les jumelles sera colmaté avec du chêne et on y coulera du plomb, couler du plomb pour que ce soit bien fixé. Et il prévoit au-dessus des jumelles également des tenons avec un chapeau qui maintient donc l'ensemble de façon très cohérente. Et il prévoit ensuite, de la même façon, de faire de bonnes fondations pour les deux montants, qu'il appelle les stipites, donc là à nouveau des fondations d'un mètre 48, et il prévoit d'y poser de la même façon un bloc de pierre froide, exactement du même type que le forum, mais avec une seule mortaise. Alors, au-dessus des jumelles et des montants, il faut ajuster des poutres qui sont très importantes car elles supportent des maçonneries. Et ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel puisqu'il nous dit un peu plus loin, c'est sur ces traverses que l'on encastrera les poutres qui surmontent les jumelles et les montants. Et sur cette poutraison, il faudra construire des maçonneries qu'on rendra solidaires de la charpente pour obtenir le poids nécessaire, et le terme est tout à fait significatif, il dit « uti oneris satis aberrant » pour qu'il y ait assez de poids. Et c'est un point qui est essentiel, car Caton nous invite à un calcul empirique, c'est le poids de la maçonnerie sur les poutres qui permet au pressoir de résister aux pressions ascendantes qui est exercée par le levier. De la même façon, il faudra, à l'emplacement de la mai, puisqu'elle va supporter de grands poids, faire, nous dit-il, des fondations profondes, là à nouveau de 1,48 m, et la mai et son canal circulaire feront 4 pieds 3 quarts de diamètre, c'est-à-dire 1,33 m, ce qui est assez large, et qui suppose donc des scourtins qui sont eux-mêmes assez larges. Nous verrons que ce système est très largement répandu en Afrique du Nord, où on a des grands scourtins. Et donc, il donne ensuite des indications très précises sur la manière de faire ces fondations avec des verlis de chaux et de pierre, Et à nouveau, donc, pour nous, c'est une bonne indication lorsque l'on trouve ce genre de vestiges. Il s'attarde ensuite sur le plan lui-même et sur la manière de placer les poutres. Je ne rentre pas dans les détails. L'emplacement de ce qui est la colonne qui, en fait, sépare la zone des pressoirs de la zone des moulins. Et il nous donne aussi des indications très intéressantes sur la manière de faire le plateau de presse qui est placé entre les courtins remplis de pâte d'olive et le levier. Ce type de plateau, qui est d'ailleurs tout en bois, parce que c'est un système d'assemblage de planches avec des queues de ronde, ne peut guère laisser de traces, sauf dans des conditions très particulières, et je n'en ai jamais véritablement trouvé, sauf dans le cas d'une huillerie qui était installée dans une boutique de Pompéi en 7-4-25, la région 7, insula 4, numéro 25, où Amenéo Maiori, en 1927, avait trouvé les restes d'un plateau circulaire qui devait servir à écraser les scourtins, mais que d'ailleurs Maiori avait interprété de façon tout à fait différente. Étrangement, Caton ne donne pas d'indication sur l'emplacement des cuves de décantation, alors qu'il en parle par ailleurs, mais il ne dit pas où est-ce qu'elles doivent se situer, alors qu'il est très précis sur tous les détails, il nous donne dit les dimensions, dit leur emplacement. Et personnellement, j'ai supposé qu'elle devait se situer latéralement, puisqu'il n'en parle pas lorsqu'il fait son plan. Mais on a d'autres exemples. Les académiciens d'Herculanum, au XVIIIe siècle, avaient imaginé que les cuves se trouvaient juste à côté de la mets de presse, ce qui n'est pas impossible, mais il me paraît étonnant que Caton ne les ait pas mentionnés dans ce cas-là. Et il pourrait aussi se situer aussi bien entre la mets de presse et le système de Treuil. Toutes les combinaisons sont possibles. Du Collège de France, le 31 octobre 2017, vous venez d'écouter Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui les pressoirs. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. Il propose une synthèse des images et des schémas qui présentent les techniques d'extraction de l'huile d'olive dans un document PDF très commode que je vous recommande et dont nous mettrons le lien en valeur sur nos pages. L'archéologue a publié en 2017 aux éditions Errance « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, viticulture, oléiculture et procédés de fabrication » et chez le même éditeur en 2004, il avait publié « Archéologie du vin et de l'huile, de la préhistoire à l'époque hellénistique ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des techniques autour de l'huile d'olive en compagnie de Jean-Pierre Brun. Il sera question des pressoirs à vis et de la décantation. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.